Le corps diplomatique et le corps des attachés militaires en Corée ont visité le 21 le cercueil de feu Kang Suk-ju, membre du comité central du Parti Travail de Corée et député à l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, exposé dans la maison de Sozang pour exprimer leurs condoléances.